d'après de ce monde. Saint est le Seigneur, tu règnes sur l'univers. Saint est le Seigneur, tu règnes sur l'univers. Dans ta présence, je contemple ce qu'il y a de plus beau. Mon cœur vient s'abreuver à cette source qui me garde loin des attraits de ce monde. Et je dis, ça est le Seigneur. Descends au milieu de ton peuple.